Le chat du rabbin de Johann Svarr, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Katel Guillou. Huitième épisode. Le rêve du peintre. Mon maître et le curé ont mangé tous les amuse-gueules en attendant la venue du russe blasphémateur. Vous voyez la villa sur la basse corniche? Eh ben, c'est la sienne. Tout en style russe. Si vous voulez mon avis, cet Olybrius est un trésor de guerre. Je crois bien qu'il a filé avec le tsar. Il est très religieux, alors. Du genre strict. Je dirais pas ça. Il arrive toujours devant l'église en voiture de grand luxe, accompagné de femmes superbes. Non. Pour moi, c'est un dépravé qui prie seulement une heure par jour. Le reste du temps, il doit le passer à boire et à forniquer. Oui. Mais à quelle heure il vient, d'habitude? Ah bah tenez. Regardez, ça doit être une de ces dames. Et pourquoi est-ce qu'il est seul? Tu vas voir qu'il va être mort, le russe. Chut, on ne miaule pas dans une église. Bonjour, ma fille. Monsieur Vastenov serait-il souffrant? Преподобный отец, это самое настоящее бедствие. У него один секс на уме. И в кровать у меня укладывать еще чаще, чем раньше. А еще он не желает ходить в церковь. Ах, преподобный отец, я, конечно, страдаю с ним получать удовольствие, но он меня скоро совсем заездит. В некоторых вселяется бес графомани, а в него вселились бес распутства. Преподобный отец, говорят, что лангуста копуляция длится 48 часов без перерыва. Мой преподобный отец, простите меня, конечно, но этот Вастенов в постели все-таки получше лангуста. Le Seigneur vous entende, mon enfant. Merde, elle parle pas français. La jolie dame a accepté de nous conduire à la villa du russe. Le curé est venu avec nous, car il avait toujours rêvé de monter dans une voiture de sport. Je crois qu'elle dit qu'on n'est pas loin. C'est pas nous qui pourrions nous payer une voiture comme celle-là. Hein, mon père? Remercions le Seigneur qui nous permet d'y poser les fesses au moins une fois dans notre vie. Absolument. Вот здесь, дом. А вот свой. On a débarqué dans une villa incroyable. De l'extérieur, elle ressemblait à une vraie pièce montée. Autour, il y avait un jardin, une piscine et même un funiculaire menant droit à une plage privée. C'est un grand majordome à moustache qui nous a ouvert la porte. Il faisait très peur. Merci, mon ami. Vous ne parlez pas français, vous non plus. Catholique, il est vrai. Vous passez les время сюда пускают, кого не попадя. Tant pis. Я вас прошу, проходите, пожалуйста. La jolie dame nous a menés jusqu'à la chambre du russe. Следуйте за мной. Осторожно, здесь ступеньки. Je vous écoute, ma fille. Подумай, отец. Я вас умоляю. Мне очень страшно. Я прошу вас, помогите мне. Скажите что-нибудь. Я боюсь. Le Seigneur vous entende, ma fille. Le Seigneur vous entende. Заходите. Dedans, il y avait des armes partout. Et les murs, comme le sol, étaient tapissés de peaux de bêtes. Oh, mais c'est la chambre de Barbe Bleue. On dirait, oui. Mais lui, il n'était pas là. Eh bien, monsieur Vastenov, que devenez-vous? Ah, mon père, je vous manque tant que ça. Comment se fait-il qu'on ne vous ait pas vu à l'église aujourd'hui? Je préfère pêche. Moi aussi, j'aime mieux pêcher que faire les prières. Mais les deux activités ne sont pas inconciliables, vous savez. Dieu, jamais je ne le vois. Un poisson, au moins, il parfois mord. Ça, c'est un fait. Mais pas beaucoup tout de même, car ici c'est surtout un coin à oursins. Mon maître, il s'y connaît en oursins. Alors il a remonté son pantalon et il est allé en ramasser sur les rochers. Attention, ça pique. Bravo, voilà un homme utile. Vous êtes quel métier? Je sers Dieu. Tandis que le personnel du russe préparait un casse-croûte improvisé, le curé fit part à mon maître de son étonnement. Je croyais que les juifs étaient censés s'abstenir de consommer des fruits de mer. Ah, mais on n'est pas obligé de manger ce qu'on pêche. Quand j'étais petit, mes copains étaient catholiques. Alors, quand on allait ensemble à la pêche, je prenais comme eux des crabes, des oursins, des coquillages. Mais lorsqu'on passait à table, je n'en mangeais jamais. Menteur. Je vous en donne ma parole d'honneur. J'ai toujours mangé strictement cachère. Et pourtant, c'était pas facile pour moi, croyez-moi. Ma défunte grand-mère, qui goûtait de tout, me répétait sans cesse que la langouste, c'est tellement bon que ça ne peut qu'être autorisé par Dieu. Alors, pourquoi vous ne pas goûter? Je ne sais pas. Je crois que j'aime bien l'idée qu'il y a dans l'existence des bonnes choses que je n'aurai jamais. Moi, c'est pareil, avec les voitures de sport. Les fruits de mer, c'est pas très important. Mais et le meurtre? Pardon? Vous avez jamais tué quelqu'un? Enfin, mon fils... Vous pas non plus? Bon, ah, moi je voyais bien ce qu'il voulait dire. Rien ne vaut le plaisir de croquer une proie bien vivante. Ouais, c'est ce qui me manque le plus depuis l'exil. Plus de guerre pour moi. Plus de duels. Plus de risquer ma vie et de combattre. Je m'ennuie très. Heureusement, il existe l'amour. Ah, vous voulez dire l'amour de Dieu? Il est drôle, votre ami, mon père. Mon maître, il aime sa femme qui est morte. Il aime aussi sa fille, son chat et la Torah. J'aime alcool, femme, tabac, les voitures et littérature. Oh, tout ça, ce sont des enfantillages. Pour vous accrocher au déguisement du jeune homme, pour ne pas voir votre vie dans son entier. Le temps qui nous est offert suit le même chemin qu'un caillou qu'on lance. Il finit forcément par retomber dans l'herbe. C'est peut-être important de savoir où on est le caillou dans sa trajectoire. Que dites-vous avec ça? Le jeune homme qui a peur de la vie et qui veut rester un enfant, comme le vieux qui se parle tous les oreilles pour la jeunesse, tous les deux, ils croient retenir le temps. En réalité, ils ne font que détourner le regard. Je ne comprends pas. Ouais. Eh bien moi, quand je conduis, je regarde la route. Comme c'est triste. Buvons. Le vieux russe et le curé ont mangé tous les oursins. Mon maître, lui, il a eu le droit à des Rolmops. Mais tous les trois ont bien arrosé ça de la même vodka. Alors il n'était plus très frais quand ils sont repartis sous le soleil pour aller retrouver l'autre russe. Est-ce qu'avant de me déposer à mon église, vous pourriez me laisser conduire un peu? D'accord, curé. Oh, merci. Il avait fini par trouver une toile et des pinceaux. Tu nous déranges là. Comment ça, je te dis la chérie, mais c'est... C'était le scandale dans la famille. Le problème? Le problème, c'est qu'il n'a pas à peindre... Oh, qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? Il se passe que ce monsieur s'est mis en tête de faire un portrait de ma femme. Et alors? Et alors, c'est interdit par deuxième commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras ni image sculptée. Oui, bon, bon, ça va. Ça va. Bon, fais voir un peu. Это еще не закончено. Ah, moi je trouve ça très joli, ce portrait. Mais ça va pas, non, non. Continue, mais c'est interdit par la Torah. Papa, dis quelque chose. Bon, dis donc, toi. Tu m'as déjà pris ma fille, et maintenant tu vas m'interdire d'avoir même une image d'elle? Mais enfin, mais j'essaie juste de vous empêcher de transgresser la loi. Occupe-toi de tes fesses, plutôt. Silence! Oh non, il manquait plus que lui. Qu'est-ce que j'entends? Abraham, serais-tu possédé? Crois-tu que c'est par hasard que le Saint béni soit-il m'a rendu aveugle? Mais maître... La peinture, c'est de l'idolâtrie. La Torah interdit les images pour nous obliger à trouver des satisfactions dans le monde réel tel que Dieu l'a créé, et non pas dans une quelconque fantasmagorie. Ah, vous voyez? C'est ce que je disais. Même Platon le dit. J'ai remarqué que ce vieux fou aime bien faire appel aux Grecs, quand ça l'arrange. Nous devons cheminer vers le vrai, le beau et le bon. Aimer Dieu, c'est chérir le réel, pas un simulacre. En fait, je crois qu'il regrette le temps où il n'était pas aveugle et qu'il est jaloux du plaisir des autres. Ce sont les esprits simples qui ont besoin des images. Comme nos frères qui adoraient le veau d'or parce que leurs âmes salies par l'exil ne pouvaient contempler l'idée de Dieu. Et tout ce que je t'en pas pour demander. Mais maître, la peinture d'église, c'est quand même beau, non? Abraham, tais-toi. J'adore qu'on se batte pour ma petite maîtresse. Aucun sage juif ne fait d'image. Il vous demande ce que vous pensez du golem. Il dit que le marre de Prague a fait un golem. Который бы еврей или раввин, il dit que si un juif plus rabbinique que toi сделал бы ту же скульптуру, a fait cette sculpture, но с разрешением. C'est qu'il a permission. Stop! Le golem, c'est ma spécialité, d'accord? Когда я рисую мою картину, il dit que quand il fait la peinture, то это не для того, чтобы подделать ее или ввести в заблуждение зрителей. Ce n'est pas pour contrefaçon de la réalité. Мои картины не идеальны. Oh, pour égarement du spectateur. Il dit que son peinture n'est pas des idoles. Et c'est quoi alors? Одна просьба. Une prière. Бог сделал очень хорошую работу. Il dit que Dieu a fait un très bon travail. Когда создал красивых женщин. En créant les femmes jolies. И я ему за это сказал спасибо. Et il dit merci à lui. И мой голем не для того, чтобы скопировать Бога. Son golem n'est pas pour copier à Dieu. И не для того, чтобы созерцать. C'est pour bien faire contempler comment. А для того, чтобы видеть, какой Бог классный. Dieu рабочий. A pu être bon ouvrier. Valiverne. Le juif, il dit, quand il fait la peinture, lui, trouver le Dieu, il est... Sympathique. Sympathique. Sympathique. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie, pour Dieu sympathique, hein? Toi, tu fais rien du tout. Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour rendre homme sympathique, hein? Ah, ça y est, ça commence à dégénérer un peu. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on veut te regarder avec toi? Moi, je pense Dieu a mal travaillé. L'aveugle voit mieux que le peintre. Moi, je vois ton chapeau et je dis, Dieu ne peut pas avoir fait ça. Si c'est comme ça, je m'en vais. Est-ce qu'il y a vodka dans cette maison? Maître! Maître! Attendez! Maître! Maître, attendez! Attendez! Eh ben, écoutez, maître, on va garder la peinture. Mais je vais la mettre face au mur. Comme ça, ça vous va? On devrait la brûler! Abraham! Quoi encore? Est-ce que tu avais vraiment besoin, toi, de faire ta crise de jalousie envers un invité? Je suis pas jaloux. Ah non? T'es pas jaloux d'un type capable de peindre ton épouse? Tu sais pas les idées que ça leur donne aux femmes quand on les peint, toi? Pardon, j'ai bougé. C'est normal. Tu n'as pas vu le regard qu'elle avait tout à l'heure? En posant pour lui? Ce regard-là, elle ne te l'a jamais offert. C'est... Ouais, moi non plus d'ailleurs. Oui, je crois bien que moi aussi je vais me mettre à la peinture. Une chose que les Russes et les Algériens ont en commun, c'est le bain de vapeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut ce Russe? Qu'est-ce qu'il fait à Alger? C'est un juif. Ah, ça, on l'avait remarqué. Non, parce que pour nous, un juif, ce n'est pas un Russe, ça reste un juif. Quelle différence? Ben, ne le prenez pas mal, mais ça change tout. Un Russe, on peut provoquer un duel, un juif, on brûle. Oh. Un russe, on séduit sa femme. Un juif, on se sert. Oui, mais Enfin, avec la révolution, ça a dû changer tout ça. Vous avez eu mon, ça me plaît. Pouvez-vous lui demander ce qu'il nous veut? Что ты делаешь здесь? Да, и короче, я перепутал направление. Bon, il s'est trompé de destination. Короче, il y avait des caisses qui allaient à Addis Abeba. Et c'est là-bas qu'il aurait dû commencer mon aventure. Il me dit qu'il doit aller en Éthiopie. Скажи, dis-leur que je ne suis pas un illuminé, hein? Et que le Jérusalem, les Juifs seront ton père, se trouve là-bas. Oui, donc c'est un illuminé qui ne connaît pas la géographie. C'est un illuminé. Oui. En Éthiopie, vivent les descendants de la reine du Saba ou du roi Salomon. Mais il dit que certains nègres de là-bas sont aussi des Juifs. Quoi? Mais je comprends. Ça doit être un sioniste. Il veut créer un foyer juif en Éthiopie. Ils vivent au-dessus des nuages, dans les plateaux géboyaux. J'ai tellement envie de peindre ce pays immense. Il dit que c'est un grand pays. Ah, oh, mais oui, mais c'est formidable. Quoi? Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il doit être commandité par l'agence juive. Il faut l'aider. Allons en Éthiopie avec lui. Mais enfin, Jacques. Mais vous imaginez Abraham, des juifs africains? Mais mon fils, c'est nous les juifs d'Afrique. Mais non, mais d'Afrique noire. Des juifs noirs? Mon fils, c'est péché de dire ça. Abraham, seriez-vous raciste? Non, je dis juste que des juifs noirs, ça j'ai jamais vu. Ça ne choque pas. Il dit que pour lui, c'est normal. Ah oui. Peut-être qu'en Russie, c'est courant, mais en Afrique, les juifs, c'est nous. Так, откуда он знает, что Моисей был белый? Il demande d'où vous saviez que Moïse est blanc. Ce peintre, c'est vraiment un artiste. Il a besoin d'inventer des choses. Il a raison, Abraham. Quelle preuve avons-nous que nos ancêtres avaient la peau blanche? Ah, la preuve, hein? Tiens. Ben, la preuve. Tiens, voilà. Regarde. Les Noirs, ils ont l'esclavage. Les Juifs, ils ont les pogroms. C'est très lourd à porter, tout ça. Alors imagine un peuple qui aurait les deux à la fois. C'est pas possible. Vous devez leur expliquer que j'ai des preuves de ce que j'avance. Tu as des photos couleurs de Moïse? Mieux, j'ai un ami d'enfance qui est devenu important dans le parti. Et le parti l'a chargé secrètement de trouver un endroit où exiler les Juifs de l'Union soviétique sans que cela déclenche la réprobation internationale. Joli projet. Rassurez-vous, ça n'a pas abouti. Oh, je n'étais pas inquiet. Mais ils ont fait une découverte. Ils ont envoyé des explorateurs dans le monde entier pour trouver un endroit où se débarrasser de nous. Ils ont envisagé la Sibérie. Mais ce n'était pas assez loin. Ils ont même pensé au pôle sud. Puis une équipe qui a écumé l'Éthiopie et a rencontré des Noirs qui pratiquent le judaïsme. Ah, da. On les appelle les Falachas. Mais il ne convient pas au projet du parti, car ils ont déjà persécuté. Alors, on ne pouvait pas exporter d'autres juifs chez eux. Dans ce cas, pourquoi vous continuez à espérer? Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas caché que des aquarelles dans ma poche. Et vot, voici un extrait du rapport des explorateurs sur une tribu dont tout le monde ignorait l'existence. Allez-y! Traduisez. Mais mis au jour un territoire de la taille d'un pays où subsiste une population noire parlant araméen et pratiquant un judaïsme très strict. Leur capitale se nomme Jérusalem et son curieux temple est intact. Ça a l'air authentique. C'est incroyable, n'est-ce pas, Abraham? À partir de là, les esprits se sont échauffés très vite. Tout le monde voulait du voyage, même Bastenov. Je peux financer entière expédition. Et si c'est des salades tout ça? Bah dis-le. jure que ce n'est pas grave si rien n'est vrai. Hein. On aura fait un bon voyage. Oui, ça, oui. Et demandez-lui s'il y aura des girafes. On ne s'attendait pas à recevoir des subsides communautaires pour cette entreprise. Aller expliquer à un consistoire juif que Jérusalem se trouve aussi en Éthiopie, c'est un coup à se prendre des cailloux dans la figure. Rassurez-vous, on va voyager très confortable. Même un vieillard peut venir. Quel vieillard ? Et avec moi, aurions excellent guide. Je pourrions écrire carte d'Afrique des bordels. Je les connais tous très bien. Mon rabbin a décrété qu'il était hors de question que son genre nous accompagne dans cette Afrique pleine de femmes dévergondées. Mais pourquoi ça ? Parce que je te l'interdis. Parce que vous me donnez des ordres maintenant ? Ah non ! Mais on peut demander à Slabia ce qu'elle en pense si tu veux. Tu comprends, ma chérie ? Ça m'inquiète que ton père entreprenne une telle aventure. Puis à son âge. Non, il vaut mieux que j'y aille. Ne serait-ce que pour garder un œil sur lui. Et puis ce sera juste l'affaire de quelques mois. Fais ça, et tu peux te chercher une autre femme. À suivre. Le chat du rabbin. De Johann Svar. Adaptation. Katel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Svar est publié chez Dargo. 8e épisode. Avec Rufus, Jonathan Cohen, Suliane Brahim, Slimane Yevsa, Léonid Glouchenko, Olivier Claverie, Julie Pouillon, Vernon Dobchev, Régis Ivanovs, Philippe Lodenbach et les voix de Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hénaud. Ah, mon vrai grand-père, c'est un vrai malin. Vous savez, il a le sexe à la place du cerveau. Et maintenant, il me met dans le lit encore plus souvent qu'avant. De plus en plus souvent. Et il ne veut même plus aller à l'église. À mon père révérend, bien sûr, je souffre de ne pas ressentir de plaisir, mais bientôt, il va finir par me forcer tout à fait. Vous savez, il y en a chez qui s'est installé le démon de la graphomanie, mais chez lui s'est installé le démon de la débauche. Mon père révérend, on dit que chez la langouste, la copulation dure 48 heures sans pause. Mon révérend père, excusez-moi bien sûr, mais Sébastien est dans un lit. Il fait encore pire que langouste. Le Seigneur vous entend, mon enfant. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Ossire.